الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهلي وصحبه ومن اتبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد. Donc à côté de ce jour, nous allons débuter dans les ahadith de ce matin des Arba'in Nawawi avec l'explication de notre cheikh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri Hafizahullah Ta'ala, en y ajoutant, comme nous l'avons dit, ce qui mérite d'être mis en attention. Et en prenant quelques favoris à droite à gauche dans d'autres couteaux. Également, en ce qui concerne l'organisation du DERS, si des gens ont des questions se rapportant au cours en lui-même, des choses qu'ils n'ont pas compris ou qui ont besoin d'être éclaircies, qu'ils envoient sur mail, sur la boîte mail du site, et je m'efforcerai de répondre, Inch'Allah, si j'en ai la capacité, et si je considère que la question est vraiment mufida, profitable, pour l'ensemble des participants. طيب فنبدا بالحديث الاول وكمان سبار البومي حديث حديث انما الاعمال بالنيه que les actes ne valent que par les attentions. يقول الشيخ حفظه الله تعالى اول ما افتتح الامام البخاري صحيحه به قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي أنه سمع عرقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه والحديث متفق عليه. Donc il a dit que la première chose par laquelle l'imam Bukhari a débuté son sahih, c'est ce hadith, qui est celui qui est rapporté par Omar ibn Khattab, où il dit qu'il était sur Minbar en disant « J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que les actes ne valent que par les attentions et que chaque personne sera rétribuée en fonction de son intention. Donc celui dont la hijra était pour Allah et son messager, alors celle-ci sera comptée comme telle. Et celui dont la hijra était pour épouser une femme ou atteindre des biens de ce bas monde, alors celle-ci, carrément, sera comptée comme telle. Un hadith muttafaqun alayh. Donc le shir commence en disant وَلَمْ يَثْبُتْ سَبَبْ وُرُودَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مُحَاجِ يَأُمُّ قَيْسِ هَاجَرَ لِكَوْسِ الزَّوَاجِ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إِنَّمَا الصَّحَى أَنَّ مُحَاجِ يَأُمُّ قَيْسٍ هَاجَرَ فَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ فكان يقال له مهاجر أم قيس ولكن ورود الحديث ليس من أجله كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري عند هذا الحديث. Donc il dit que la cause de ce hadith n'est pas ce qui a été dit qu'il y avait un homme, un arabi, un bédouin, qui a été nommé Muhajir Umm Qais, car c'était un homme qui avait entrepris une hijra, une immigration, en vue d'épouser une femme qui s'appelle Umm Qais, donc les gens l'ont surnommé Muhajir Umm Qais. Le shir précise que ce hadith n'a pas été, la cause de ce hadith n'est pas cette histoire-là, et qu'il n'y a rien qui l'affirme. Bien que l'histoire en elle-même est authentique, rapportée par Ibn Mas'ud, l'histoire est authentique, cependant, elle n'est pas la cause de ce hadith. De là, Al-Hafiz Ibn Rajab, il dit dans Jami' al-Umm wal-Hikam, en parlant de cette histoire-là, il dit قد روى وقيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل قال خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجته فكنا نسميه مهاجر أم قيس قال عبد الله يعني ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له. Donc il rapporte que ce hadith, ou cette histoire, il y avait un homme, un bédouin, qui avait fait une khidba avec une femme, en vue de mariage. Et cette femme s'appelle Umm Qais. Et elle refusa de se marier avec lui, si ce n'est en condition qu'il émigre vers elle. Alors il entreprit cette émigration, cette hijra, alors il se marie avec elle. Et il fut nommé par la suite Muhajir Umm Qais. Ça a été un surnom qu'il lui a donné. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit celui qui a émigré pour une chose, alors il est pour elle. C'est-à-dire ce qui revient au hadith, innamal amal binniya. وابن رجب يبصر ديزان وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم كيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى ذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم. Donc Ibn Rajab confirme ce qu'a dit Cheikh Yahya, que cette histoire a été connue et célèbre, qu'elle était la cause de ce hadith. Cependant, il dit que beaucoup de gens parmi les contemporains, j'en ai des gens de son époque à lui, ont cité cela dans le livre. Cependant, il n'a rien vu d'authentique qui affirme cela. Que le hadith, la cause du hadith, est cette histoire avec Umm Qais. Et même d'ailleurs, il dit plus haut, que j'ai oublié de dire, وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَدِي أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا كَانَ فِي عَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ. Et l'histoire confirme que ce fait n'a pas eu lieu du vivant du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, mais juste de l'époque d'Ibn Mas'ud, après lui. Ce qui prouve que cette cause n'a pas été confirmée. Et également, il rapporte la parole du Hafiz où il dit dans le Fath لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ حَدِيثَ الْعَمَلْ سِيَقَ بِسَبَبْ ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. Donc là, le Hafiz, comme l'a dit Cheikh Yahya, confirme qu'il n'y a rien d'authentique appuyant le fait que la cause de ce hadith est cette histoire de Umm Qais. Cheikh Yahya poursuit en disant وقوله إنما الأعمال بالنية إنما عادت حصر والمقصود بالأعمال هنا صحتها وفسادها أي الأعمال شرعية مفتقرة إلى النية وإلا فالأعمال منها ما يفتقر ما لا يفتقر إلى النية مثل رد الأمانة أو الأمانات وكذلك رد العارية لا تحتاج إلى النية فإن حصلت نية للاحتساب فيؤجر على احتساب وإلى فتستحبد النية ويمكن أن يرد الأمانة وتسع بغير نية وكذلك العارية إذا أخذ صاحب الحق حقه. Donc il dit إنما الأعمال بالنية que les actes ne valent que par les attentions. Il s'agit là d'une chose strict et limité, innama qui veut dire seulement. Et le but en cela, il vise le fait que les actes soient valides ou nuls, qu'ils soient acceptés ou refoulés. C'est-à-dire les œuvres légiférées, qu'ils ont en besoin d'une niya, d'avoir une intention. Légiférées, les actes d'adoration peut-être. Car il y a certains actes qui n'ont pas besoin d'intention, comme le fait de rendre un dépôt ou le fait de rendre un emprunt, cela n'a pas besoin d'avoir une intention. Et que si jamais quelqu'un met l'intention, cela, yani, pour un acte quelconque, s'il recherche la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il met une niya, il sera récompensé, inshallah. Et c'est ce que confirme le Cheikh Fawzan, lui, dans son explication aussi, il parle de cela. Et il dit فَالْمُرَادُ بِالْأَعْمَلُ هُنَا الْعِبَادَةِ أما الأعمال الدنيوية فهذه لا تحتاج إلى النية مثل أن تأكل أو يأكل أو يشرب أو يلبس ثيابه أو يركب سيارته فهذه لا تحتاج إلى النية وإنما المقصود بالأعمال أعمال الطاعات فهي التي لابد أن تؤسس على النية. Donc lui dit que le sens voulu également par là ce sont les adorations. Et même quand aux œuvres mondaines, des actes de ce bas monde, ils n'ont pas besoin d'adoration, plutôt d'intention, pardon. Comme le fait de manger, ou de boire, ou de revêtir des vêtements, ou de monter en sa voiture. Tout cela n'ont pas bonne intention. Juste le but de ce hadith, il parle des adorations, des actes d'obéissance. Celles qui sont obligées d'être basées sur une intention. Cependant, cela n'empêche pas de mettre une intention pour un acte quelconque. Comme cela a été rapporté de certains salafs, comme Zayd al-Yami, où il a dit « Inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli shay'in, hatta fi at-ta'am wa ash-sharab » qu'il dit j'aimerais mettre une attention dans chaque chose, ne serait-ce que la boisson ou le manger. Et également selon lui, il a dit قال إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى كناسة. Il a dit mets une attention dans chaque chose que tu veux du bien, ne serait-ce que ta sortie aux poubelles, le fait de mettre les poubelles dehors. Pourquoi? Car il se peut que toi en mangeant, tu mettes une attention de quoi? De te renforcer pour Allah subhanahu wa ta'ala accomplir tes adorations. Donc tu as mis une intention, et de là tu peux te récompenser pour avoir mangé. Ou le fait, comme il dit Zayd al-Yami, le fait de sortir les poubelles, par exemple, car il est connu que Adnal Iman, le plus bas de l'Iman, de la foi, c'est Imatatul Adar Netalik, le fait de retirer les obstacles dans la rue. Et mettre une poubelle, comme va dire Charles Saïmin, Cela contredit le plus bas de l'imam. Là, tu fais une obstruction dans le chemin. Donc là, tu vois, tu mets ton intention de prendre ta poubelle, de la mettre dans une décharge, dans un lieu qui ne dérangera personne. Inch'Allah, tu as une bonne niyyah, tu es récompensé. Non. Ensuite, Shariah poursuit en disant Qoluhu wa inna maliku limri'in manawa. Et quant à sa parole, que pour chaque personne sera rétribué selon son intention. Min haythul ajr wal ism, faqad yanwi fi al-ta'atin wa la yaqdiru 'alayha, fayujar, wa yanwi fi al-ma'siyatin fa ya'jizu 'anha ma'a al-sa'id hasulaha, fayathar, wa ya'mal 'amalan law nawa fi al-ujra, fala yanwi fihi, fala yujar wa la ya'thar, kama sayati tafsiluhu fi hadith al-Abbas fi hadith al-40. Donc il dit la personne est rétribuée, c'est-à-dire par rapport à la récompense ou le péché. Car il se peut qu'il mette l'intention de faire un acte d'obéissance et qu'il ne puisse pas l'accomplir, alors il sera récompensé pour l'intention qu'il a mise. Tout comme il avait l'intention de faire une désobéissance, mais il n'a pas pu la faire, bien qu'il se soit efforcé d'y arriver, alors il aura quand même commis un péché par son intention. Ou qu'il fasse une acte, qu'il commette un acte, que si jamais il avait mis une intention, il aurait été récompensé. Seulement, il n'a mis aucune intention. Alors, il n'a pas de récompense, ni de péché. Comme cela va venir dans l'explication du hadith de Ibn Abbas dans ses Arba'in Nawawi. Ça viendra plus tard, Inch'Allah. وَيُؤْتَى بِالنِّيَةِ لِتَفْرِيقِ بَيْنَ الْعَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ مِثْلَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ التَّبَرُّدِ وَالْتَفْرِيقُ بَيْنَ الصَّوْمِ الشَّرْعِي وَالصَّوْمِ لِقَصْدِ الْحِمْيَةِ وَالْتَفْرِيقُ بَيْنَ الرِّيَاضَةِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ. Donc, il dit également que on vient avec une intention en vue de différencier entre les coutumes et les adorations. C'est-à-dire, quand je dis coutumes, je veux dire les actes quotidiens. Comme par exemple le fait de différencier aussi entre un lavage de janaba, d'état impureté majeure, ou celui qui se lave pour se rafraîchir. Ou le fait de différencier entre un jeûne légiféré, un siyam, ou quelqu'un qui jeûne pour maigrir, pour faire un régime. Ou pour différencier entre le sport, la gymnastique et la salat. Et pour son disant, وَكَذَلِكَ لِتَمِيزِ الْعِبَادَةِ بَعْدِهَا عَنْ بَعْدِ فَرْدْ عَنْ فَرْدْ كَمَنْ صَلَّ مَثَلًا الظَّهْرِ مَعَ الْعَصَرِ وَكَذَلِكَ تَمِيزِ النَّافِلَةِ عَنِ الْفَرِيضَةِ وَتَمِيزِ الزَّكَاةِ عَنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَلَوْ أُخْرِجَ مَالًا لِكَوْزِ التَّطَوُّعِ لَا تُجْزَأُ عَنِ الزَّكَاةِ وتمييز صيام شهر رمضان عن غيره من الصيام وتمييز القضاء عن الصيام التطوع عن صيام التطوع ولو صام تطوعا لم تجزه عن قضاء صيام رمضان الا ان ينوي قضاء رمضان وتمييز حج الفريضه عن النافله. Donc il dit par exemple comme le fait aussi de différencier entre les actes d'adoration obligatoires entre eux, comme par exemple différencier entre Zohr et l'Asr. Quelqu'un qui vient prier salat Zohr et qui met l'intention de mettre la asar, sa salat est annulée. Ou également celui qui veut différencier entre une salat surérogatoire, nafila, et une obligatoire. Par exemple, il vient à l'heure du dhuhr et fait doha. Bien d'une part, le temps est terminé, sa salat elle n'est pas acceptée. Mais d'autre part, là c'est l'heure de l'obligation. Ce n'est pas l'heure d'une nafila. Donc si jamais il fait doha à cette heure-là, ça ne sera pas accepté également. Ou également le fait de différencier entre la zakat et sadaqa tatawwa, celui qui fait une sadaqa de lui-même, yani mustahabba, et celui qui sort la zakat. Il y a une différence entre les deux. La zakat est wajiba, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Alors qu'une sadaqa tatawwa, une aumône, yani de soi-même, de lui-même, cela est une chose qui revient à lui. S'il veut la faire, il la fait, il ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Cependant, s'il fait cette sadaqa au moment de la zakat, sa zakat ne sera pas considéré comme étant accepté. Car il n'aura pas mis l'intention de l'acte obligatoire qui lui incombe. Également, le fait de différencier entre le siyam de Ramadan et autres parmi les jeunes, comme Ashura ou comme Arafat ou autres parmi ces jours-là. Et le fait de rattraper les jours manquants. Par exemple, tu as un jour qui te manque de Ramadan et tu veux aussi faire un siyam d'un jour d'une adoration qui est sunna. Et bien, il faut différencier entre les deux. Car si jamais tu fais Ashura, cela, et qu'il te manque un jour par exemple de Ramadan, tu n'as pas encore accompli, ce jeûne de Ashura, il ne va pas compenser le jeûne, le jour de jeûne qui t'a manqué. Non, celui-là il restera toujours sur toi, et il faudra également le faire par la suite. Et également, le fait de distinguer entre le Hajj qui est obligatoire, et le Hajj qui est aussi obligatoire. La même chose. Ensuite, le Chir reprend en disant Yuxadu bin niyati ala marna sani. Tamiz, et maintenant, le deuxième sens. Le premier sens, c'est différencier les actes les uns entre les autres. Maintenant, c'est le deuxième sens qui veut dire quoi? Al marna sani, tamiz el maqsoud bil amel, min ghayrihi, hal huwa Allah azza wa jal am ghayruhu. Wa hadha allazi yughna bi 'inda ahli al ilmi al ikhras, allazi huwa shartun fi sihhati al amel. لقول الله تعالى في حديث الكرسي أنا أو إني أعنى شركاء عن الشرك من أشرك معي عملا غيري تركته وشركه أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. Donc là, le deuxième sens de la niya, c'est l'objectif, le but visé. Qu'est-ce que tu recherches par cet acte? Est-ce que c'est Allah Azza wa Jal ou autre que lui? Et c'est ce qui est défini chez les gens de science comme étant l'ikhlas, la sincérité. La sincérité, et cela est une condition de validité des actes. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala le prouve dans le hadith Qudsi, où il dit que je suis le plus riche des choses à laquelle on associe. On dira comme ça. Du moins le plus en droit, et que celui qui m'associe quoi que ce soit dans une œuvre, je le délaisse lui et son shirk. Je le délaisse lui, c'est-à-dire son acte, cette personne, et la chose à laquelle il m'a associé. Donc, quand ta'ala, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis, je ne suis qu'un homme, comme vous, auquel il est révélé que votre divinité n'est qu'une seule divinité, et que celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il œuvre de bonnes œuvres pieuses, ou qu'il n'associe rien à son Seigneur. Là, ce verset prouve quoi? Que celui qui vise autre qu'Allah dans ses œuvres, cela est considéré comme étant quoi? Du shirk, dans les adorations. Donc le shirk poursuit en disant فَمَنْ شَرَعَ فِي الْعَمَلِ لَا يَقْصُدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَعَمَلُ مَحْبُوطٌ وَهُوَ مُشْرِكٌ قَالَ تَعَالَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. Donc celui qui se lance dans une œuvre ne visant pas par cela Allah, alors son œuvre sera effacée, nulle. Il sera un mouchrik, si ce n'est que par agrément du visage de son Seigneur le plus haut, et qu'il l'agréera. Wa fi hadith al-thalatha, ashabul ghar, kana ahaduhum yakul, in kuntu fa'atu zalika l'otira wa wajjik, fa'farrij anna ma nahnu fih. Qal, fa'nfarajat al-sakhra, fa'kharaju yamshoun. Donc il dit également, comme le prouve le hadith qui a été rapporté par Muammar, des trois qui ont été pris par la nuit, qui ont été contraints d'aller dans une caverne. De là, un rocher s'est effondré et a bouché la caverne. Et ils se sont dit que nous ne pourrons sortir de là qu'en citant les œuvres pieuses que nous avons faites pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un d'entre eux dit au Seigneur, parmi les trois, il y en avait un qui avait un verre de lait et qui a attendu deux gouttes toute la nuit que ses parents se réveillent. Malgré les pleurs de ses enfants et la faim de sa famille, il a attendu que ses parents se réveillent pour qu'ils boivent en premier. Le deuxième, il était amoureux de sa cousine et voulait faire la fornication avec elle. Celle-ci refusa. Il lui a donné de l'argent en échange. Elle accepta. Et lorsqu'il se retrouva en mesure d'accomplir cet acte, c'est-à-dire de faire zina, elle lui dit de craindre Allah. Alors qu'il pouvait le faire. Il s'est fait quoi? Il s'est levé, il l'a délaissé. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième, c'était un homme qui avait des employés. Et l'un de ses employés s'en alla, sans prendre son salaire. Alors cet homme prit le salaire de cet employé, le fit fructifier et en tira beaucoup de bénéfices. Lorsque son employé revint et lui demanda son droit, son salaire, il lui dit « Ce que tu vois là qui était fructifié de ton argent, prends-le. Prends ton argent, plus le bénéfice. » Alors qu'il aurait pu lui rendre juste l'argent et garder le bénéfice. Seulement, il lui a tout donné. Les trois ont dit quoi? « Si nous avons fait cela pour ton visage, oh Allah subhanahu wa ta'ala, alors délivre-nous de là où nous sommes. » De là, le rocher se dégagea et ils purent sortir. Pourquoi? Car leur œuvre était sincèrement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est une cause de leur secours. Yaqul wa qala Abu al-Hasan Tahir al-Shatibi rahimahullah ta'ala yaqul hadha al-hadith wa thalathatu ahadith ma'ahu tu'tabaru 'umdat ad-din. Donc il dit ce hadith innama al-a'mal bi-nniya et trois autres sont considérés comme étant un socle pour la religion. Et il les a rassemblés dans des vers de poésie en disant « Umdatu ad-din indana kalimatun arba'u min kalam khalil al-bariyya ittaki shubuhati wa zuhud wada ma laysa ya'nika wa'malan bin niyyah. » en traduisant à peu près, que les socles de la religion chez nous sont certaines paroles. 4, de la parole de la meilleure de la création, c'est-à-dire 4 hadiths de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux c'est ittaqi shubuhat, craint les ambiguïtés. Ça c'est un hadith qui viendra. L'autre c'est wazhud, c'est-à-dire éloigne-toi. Vas-y, zhud fima andanas yuhibukallah, c'est-à-dire éloigne-toi de ce qu'il y a dans les, gens, dans les mains des gens et Allah t'aimera. C'est un hadith qui viendra aussi par la suite, inshallah. Wador, qui revient à délaisse ce qui ne te regarde pas. Hadith Abi Huraira qui viendra aussi. Yani dor malissa yannik. Wa'malan biniya. Là, c'est là le shahid est accompli, du moins œuvre, avec une intention. Cette partie-là qui concerne le hadith dans lequel nous sommes actuellement. Donc de là, on voit. De là, il y a un hadith qui est venu, selon Abu Huraira, apporté par l'imam muslim. Où il dit سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يغدى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه أو نعمه فعرفها قال فما علمت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى لقي في النار. Donc il dit que parmi les premiers qui seront jugés le jour du jugement, un homme qui aura été tué en martyr, en apparence. Alors Allah lui fera reconnaître tous ses bienfaits sur lui, et lui les reconnaîtra. Et lui dira, qu'as-tu agi, ou du moins qu'as-tu accompli pour ces bienfaits qui t'ont été accordés. Il dit, j'ai combattu pour toi à tel point que j'ai été tué. Il dit, tu mens. Cependant, tu as combattu afin que l'on dise de toi que tu es courageux et téméraire. Et cela a été fait. Alors il a ordonné que cet homme soit pris et tiré par le visage et ensuite jeté au feu. Wallah azubillah. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fa ma 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu al-Qur'ana fika. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال وقارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Donc le deuxième, c'est un homme qui aura appris la science et qui l'aura enseigné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui, chose qu'il le reconnaîtra. Il lui dira, qu'as-tu accompli pour ces bienfaits qui t'ont été accordés? Il dit, j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran pour toi. Il dira, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, tu as menti. Cependant, tu as pris la science en vue que les gens disent de toi que tu es un savant. Et que tu as lu le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur, un incitateur, quoi. Et cela a été fait, les gens l'ont dit. Alors, il sera ordonné que cet homme soit pris et tiré par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté au feu. Wa thalith wa rajulun wasa'a Allahu alayhi wa a'tahu min asnafil mali kulli fa'utiya bihi fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha. قال فيما فما علمت فيها قال ما تركته في سبيل تحب أن ننفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال وجواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى لقي في النار. Et le troisième, c'est qui? C'est un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura donné des richesses, beaucoup de richesses. Donc il lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui, chose qu'il reconnaîtra. Il lui dira, qu'as-tu accompli pour ces bienfaits qui t'ont été accordés? Il dit, il n'y avait pas un seul sentier que tu aimes sans que je n'y ai dépensé de mon argent ou de mes biens. Il dit, tu as menti. Cependant, tu as fait cela afin que l'on dise que tu es généreux. Et cela a été dit de toi. Ensuite, il sera ordonné qu'il soit traîné par son visage et jeté au feu. Donc là, on voit que ces trois œuvres qui sont le jihad fi sabilillah, qui sont le talab al-ilm, la recherche de la science, ou la sadaqa, elle va donner de l'argent, sont parmi les meilleures œuvres. Cependant, ces gens-là ont accompli ces œuvres-là en apparence, mais pour leur mauvaise intention, ils ont été châtiés. Aux yeux des gens, ils ont accompli les meilleures œuvres. Mais pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans leur cœur, ils ont été mis au feu. C'est-à-dire qu'ils s'ils n'avaient rien fait, ça aurait été meilleur pour eux. Et de là, une parole de Mubarak qui dit رب عمل صغير تعظم النية ورب عمل كبير تصغر النية. Une œuvre peut-être petite, cependant peut-être agrandie ou devenir considérable pour une simple intention. Tout comme une œuvre peut-être énorme, c'est-à-dire aux yeux des gens, mais peut être yani, amoindri à cause de quoi? De l'intention. Tout revient à quoi? À l'intention de la personne. Donc attention dans les œuvres qu'on accomplit, qu'elles soient grandes ou petites, de ne pas négliger l'intention et bien se remettre en compte qu'est-ce que l'on veut par cet acte. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est les gens? Ou est-ce que c'est ceci ou cela? Non. Donc le chef poursuit en disant وَجَعَ عَنْ إِمَمْ أَحْمَدْ أَنَّ عُمْدَةَ الدِّينَ ثَلَاثَ أَحَادِثِ حَدِثَ عَيْشَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمْ قَلَى مِنْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لِسَ مِنْهُ فَوَرَدْ الثاني حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات والثالث وهو أعظمها حديث إنما الأعمال بالنيات الذي نحن في صلاة شاحه ولا مانع أن تكون كلها عمدة للدين وأكثر من ذلك مثل حديث الدين النصيحة. Donc il dit que l'imam Ahmed a dit que trois hadiths sont un socle pour la religion. Le premier, c'est le hadith de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a compris, qui innove dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Le deuxième, c'est le hadith de Norman bin Bashir, où il dit, certes, ce qui est licite est clair, et ce qui est licite est clair, et entre les deux, des choses ambiguës, à équivoque. Et le troisième, et qui est le plus grand, c'est le hadith dans lequel nous sommes actuellement, Inaman Amal bin Niyya, que les actes ne valent que par les intentions. Et le chien dit qu'il n'y a pas d'empêchement à ce que le socle de la religion soit plus que trois hadiths. Comme lui mettrait dedans également le hadith Adib Nasiha. Qawluhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Donc la parole que celui qui accomplit la hijra pour aller son messager, alors celle-ci sera comptée comme telle. Et celui qui l'accomplit pour, en vue d'obtenir des biens de ce bas monde ou d'épouser une femme, cela sera compté comme tel. Donc là, le chien va parler autour de quoi? De l'hijra. Il dit Al-hijratu aqsam. L'hijra est de différentes catégories. Hijratu al-ma'asi. L'hijra des péchés, des obéissances. Wa hijratu al-muta'ammidina lil-ma'asi. Et l'hijra de celui qui commet volontairement des péchés, des obéissances. وهجرته بلد المعاصي وهي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام خوف الفتنه وطلب اقامه الدين ولكل منها تفصيل في ابوابه من كتب الفقه. Donc il dit également la hijra des pays de désobéissance, ce qui équivaut à le fait de se déplacer d'un pays de kufr vers un pays d'islam, c'est-à-dire se déplacer d'un pays de kufr vers un pays d'islam par peur de la fitna, des troubles, des tentations, et pour pouvoir appliquer sa religion. Et les deux ont des détails qui sont cités dans les chapitres, dans les livres de Fiqh. Ensuite, il poursuit en disant Amma hijratul ma'asi fa wajibatun ala kulli muslimin. Le fait de délaisser les péchés est une obligation pour chaque musulman. Wa qad thabata min hadith Abdullah ibn Amr wa huwa fi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man nahaa Allahu anhu. Donc il dit que le musulman est celui qui est épargné, celui dont les autres musulmans sont épargnés de sa langue et de ses mains, et le muhajir, celui qui a délaissé ce que Allah interdit. Et également toujours du même sahabi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt su'ila ay hijra afdal, quelle est la meilleure hijra? Il dit que tu délaisses ce que Allah ou ce que ton Seigneur déteste. Et il dit que celui qui ne délaisse pas les désobéissances est un égaré en mesure de ce qu'il aura accompli comme infraction. De là la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le sens relatif et rapproché, que celui qui désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Et un tombé dans les marassis est une porte d'égarement. On peut l'appeler dol également. Et un égaré. Ensuite, je pense plus bas en disant Wa qala al-hafiz inda hadith Ibn Omar. Et le hadith n'est pas dans le livre. Il n'est pas dans le livre. J'ai regardé et je ne l'ai pas trouvé. Arada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam tasliyat al-lazina ma hajaru. بأنهم عندهم حجرة وهي حجرة المعاصي الذين لم يهاجروا إلى المدينة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم تصفيتهم بذلك. Donc il dit qu'en fait ce hadith où le prophète dit que celui qui délaisse le péché c'est un muhajir, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu par cela consoler ou réconforter ceux qui n'avaient pas fait la hijra vers al-Medina. une forme de soulagement pour eux. C'est une parole en vue de les soulager. وَلِهَذَا مُمْكِنُوا أَن تُحَاجِرَ وَلَوْ لَمْ تَتَيَسَّرْ لَكَ الْحِجْرَةِ. Et qu'il t'est possible de faire la hijra, même si celle-ci ne t'est pas facilitée. C'est-à-dire, l'émigration en elle-même ne t'est pas facilitée, donc tu peux quoi ? Délaisser les péchés. تَحْجُرُوا مَا حَرَمَ اللَّهِ. Que tu délaisses que Allah a rendu illicite. فَأَنْتَ مُحَاجِرٌ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَتَكْبَلُوا عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْفِتَنِ. Donc tu te consacres à Allah subhanahu wa ta'ala en temps de fitan. Kama fi hadith fi sahih, al-ibadatu fi al-haraj ka hijrati ilayya. Que l'adoration en temps de fitan, là le haraj, c'est les temps de meurtre où il y a beaucoup de morts, beaucoup de tueries. Cela est comme une hijra vers moi. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala dans ces temps-là, en époque où il y a beaucoup de meurtres autour de lui, beaucoup de morts et de problèmes, celui-là est comme celui qui aura accompli une hijra vers celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadi an liman wuffiqa lil ibada, pour celui qui a été accordé le succès pour accomplir les adorations. Min talab al ilm, comme la recherche de la science, wa qiyam al layl, se lever la nuit, wa ad-du'a lillah subhanahu wa ta'ala fi ayyam al fitan, ou le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en jour de fitan, en jour de trouble. Wa hijratu fadluha 'azimun jiddan, et la hijra, son mérite est énorme et considérable. Et quelle est une cause d'obtention de largesse dans la subsistance et autres. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman kathiran wa sa'a, wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allah ghafuran rahima. Celui qui émigre sur le sentier d'Allah, il trouvera sur terre maintes abondances et beaucoup de largesse. Et celui qui sort de sa maison en tant qu'émigré vers Allah et son messager et qu'il est rattrapé par la mort, alors celui-là, sa récompense incombe à Allah et Allah est son pardonneur et miséricordieux. Donc la hijra, comme cela est prouvé, pour ceux qui ont peur de partir, est une cause d'abondance. Mais nous avons déjà beaucoup parlé sur le sujet, donc Inch'Allah, nous n'allons pas nous étaler là-dessus. Thumma yaqul wa hijratu balad al-ma'asi wa laysat al-ard kafira. Donc la hijra d'un pays de désobéissance, il dit que la terre en elle-même, voyez, n'est pas kafira, c'est pas le sol qui est kafir. Car il est possible que cette terre, ce pays, par la suite, devienne un pays musulman, une terre d'islam. Innama al-maqsudu biha balad al-kufr. Cela veut dire le pays de mécréance. أن الأكثر فيها كفار من الحكام والمحكومين. Qu'un pays de kuf, celui dont la plus grande population sont les kuffar, soit les gouverneurs, soit les gouvernés. الأصل فيها الكفر فيقال بلاد الكفر. Donc la base dans ce pays-là, où la plupart des gens sont les kuffar, où les gouvernements sont les kuffar, c'est un pays de kuf. أو كانت بدعة لا يستطيع الإنسان أن يقيم مدينه في ذلك المكان. Ou alors un pays de bid'a, dans laquelle l'homme ne peut accomplir son adoration. Comme par exemple en Iran, que Shir a jugé comme étant un Dawlat Nifaq, Bid'al Kubra, car c'est un pays de Rav, il dit. Par exemple là-bas, mais qu'il est séparé de l'islam, là-bas un homme ne peut pas, un sunni salafi, ne peut accomplir sa religion, sans être opportuné et offensé. Donc lui part de là-bas. فَالْهِجْرَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ. Donc il est obligatoire de faire la hijra depuis ce pays. وَجَاءَ حَدِيثُ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ أَقَامَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ الْكُفَّارِ. Et que le hadith qui est venu où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis innocent de ceux qui vivent au milieu des kuffars. وَهَكَذَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Certes, ceux dont les anges arracheront les âmes alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils leur diront: dans quoi étiez-vous? Ils diront: nous étions parmi les faibles, impuissants sur terre. Ils leur diront, c'est-à-dire les anges: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste afin que vous puissiez émigrer? Cela, le refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. وجاء في الصحيح البخاري أن هؤلاء كانوا مسلمين ولكن يقيمون بين المشركين ويكثرون من سوادهم ويخرجون معهم للغزو فإذا رمى المسلمون رموا فيهم. Donc il dit que dans le Sahih al-Bukhari, ce verset-là était dit pourquoi? Par rapport à des musulmans qui vivaient chez des mushrikins. Certains vivaient chez eux. Alors lorsque d'autres musulmans venaient pour la conquête de ce lieu, ils décochaient leurs flèches, et celles-ci atteignaient des musulmans parmi ceux qui étaient là-bas. Donc ce verset était descendu en vue de démontrer que ces gens-là n'avaient rien à faire là-bas et qu'ils ne sont pas excusés. وهكذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم استدلوا على العلم استدلوا بهذه الآية على وجوب الخروج من ظهران الكفار. Donc les savants se sont pris, sont basés comme preuve sur ce verset pour dire qu'il est obligatoire de sortir du milieu des kuffars. والشيخ poursuit en disant وأنا أعتقد أن الذين يذهبون غربة في بلاد الغرب أنهم آثمون لبقائهم على ذهابهم لغير حاجة ملحة أو ملحة آثمون يذهبون يخالطون المعاصي ويتأثرون بالكفار بأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم ولباسهم وأمور يندى لها الجبين يا إخوان من الفساد الذي لا يستطيع تغيره من ذلك ما ذكر في تلك الرسالة الصغيرة مشاهدة في بريطانيا حسب ما رأينا هناك وذكرنا للعبرة. Donc il dit le shir, et moi je crois, j'ai pour croyance que ceux qui vont là-bas par, on va dire par désir, dans les pays d'Occident, que ceux-là, ces gens-là sont des pécheurs, comme est un péché, du fait aussi qu'ils restent là-bas, et qu'ils y aillent, sans besoin nécessaire, et qu'ils sont commettent un péché en s'y rendant et en se mélangeant aux désobéissances, qu'ils sont influencés par les koufars dans leur façon de parler, dans leurs actes, et dans leurs mœurs, et dans leur habillement, et des choses qui font couler la sueur des fronts, ô mes frères, parmi le désordre. Celui par lequel on ne peut le désordre par lequel on ne peut faire face, on ne peut le changer. Et parmi ceux-là, les choses qui ont été citées dans ma risala, mon livre, ma petite risala, mon témoignage de l'Angleterre, en fonction de ce que j'ai vu là-bas, et par expérience. C'est-à-dire que le chien est en Angleterre, comme vous le savez, il y a longtemps, c'était pas comme à l'époque de maintenant. C'est-à-dire que c'était moins grave. Et malgré cela, il s'est basé sur le fait que même l'Angleterre, il n'est pas permis d'y aller, ni d'y rester. Ensuite, il rapporte une parole de Cheikh Mokbil. Il dit أذكرنا الشيخ مقبلا رحمه الله تعالى قال الرجوع لأمريكا والموت عندي سيان هكذا أخبروني قال لما فيها من الفساد ولما فيها من الشرك والذي يذهب يرى الشرك أو الشر والفساد ما لا ينزل من المطار إلى وترى الغراء وأنواع الفساد. Donc il dit, il rapporte de Cheikh Mokbil que lorsque celui-ci رحمه الله était en Amérique pour se soigner, malgré lui, il a dit retourner, quand il retourne à Mecca, en Saoudi, retourner en Amérique ou mourir, moi c'est pareil. Regardez ce que Cheikh Mokbil disait. Retourner en Amérique ou mourir, moi c'est pareil. À cause du façade qu'il y a là-bas et tout le mal qu'il y a. Et que tu ne peux pas le changer. Que tu descends à peine de l'aéroport et que tu vois déjà les gens nus et toutes sortes de désordres. Et aujourd'hui, malgré cela, on voit des personnes qui se précipitent à courir vers la France ou d'autres pays comme cela tous les ans, tout le temps. Tout le temps. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas y aller. Il faut y aller, faire dawa aux frères, à la Oumma, ceux qui sont présents là-bas. Il faut leur dire. Cependant, pourquoi tu y vas? Tu y vas pour leur rappeler, pour les réveiller, pour les conseiller, pour les inciter. Pas aller là-bas et leur faire croire qu'ils sont bien, qu'ils peuvent faire des structures, qu'ils ont des mosquées, qu'ils ont du khayr, ceci et cela. Quand on voit les programmes des Doha francs qui viennent en France, de ce que j'ai vu moi, je ne vois pas qu'il y en a qui, il y en a qui fait preuve de sagesse ou même de dureté dans son contexte, avec les frères et sœurs qui sont là-bas, pour leur dire de partir. Pour leur dire, regardez dans quoi vous êtes. Ne restez pas là-bas. On entend plein de muhadara, plein de conférences qu'ils donnent sur le sujet vaste, important l'islam, mais la priorité est délaissée. Ils n'appuient pas sur le fait que les frères et les sœurs qui sont là-bas sont en danger, pour leur religion. Et ça, c'est un manque. Celui qui va là-bas, le da'i qui va là-bas, et qui a des épaules pour tenir là-bas, il va là-bas, il parle de tawhid obligatoirement. Mais il parle aussi de voilà, bara, alors c'est des aveux, et il incite les musulmans en toute sorte qu'ils partent, qu'ils ne restent pas là-bas. Pour leur conseil, pas pour les critiquer et les dénigrer, pour les conseiller par amour pour eux, rahma pour eux. Et de là, Cheikh Fawzan, il dit une parole aussi que j'aimerais bien citer dans son char par rapport à la hijra. Il dit quoi par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Inna lazina amanu hajalu wa jahalu. والله عز وجل قدم المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصرة لدين الله عز وجل فهم أفضل من غيرهم فالهجرة شرف عظيم وعمل جليل ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة إنما العبرة بالمقصود أو بمقصد صاحبها فإن هاجر يريد نصرة الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نظرا للنية وتكون عند الله مقبولة ويكون له ثواب المهاجر. Donc il dit quoi par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens relatif à approcher, c'est à ceux qui ont cru et émigré et combattu que Allah azza wa jal a fait prédominer les muhajirin sur les ansar, les émigrés sur les auxiliaires, en les citant en premier comme dans le surat Tawba, dans le rappel et dans l'éloge, car ils ont délaissé leur pays, leur maison, leurs biens pour secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles donc sont meilleures qu'autres qu'eux, car la hijra est un grand, une grande noblesse, un honneur et une œuvre, et un splendide. Cependant, on ne considère pas la hijra par la simple apparence. Elle est considérée par la niya de celui qui l'a fait, son intention. Car si jamais il fait la hijra en vue de sauver Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah et son messager, alors sa religion, ou du moins sa hijra, est pour Allah et son messager, en vue de sa niya. Et celle-ci est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura par cela la récompense du muhajir. Donc de là, on vous demande, est-ce que ceux qui vont en Angleterre le font pour sauver Allah et son messager, alors qu'ils peuvent aller dans d'autres pays? Ceux qui vont dans des pays de kufr, quelle est leur intention à cela? On ne la connaît pas. Mais en apparence, le hijra, elle n'est pas crédible. Quelle est la cause de la descente du verset? C'est que certains vivaient au milieu des kuffars. Donc ils ont été tués par leurs frères du fait qu'ils étaient là-bas. Celui qui est en Angleterre, il est au milieu de qui? Des koufars. Et de là, d'ailleurs, il a été apporté une fatwa, une bonne parole de Shir al-Abbad, Hafizahullah Ta'ala, quand il a été interrogé sur un homme qui avait fait la hijra dans un pays de Kufr, c'est l'Italie, je ne me rappelle plus, il a dit quoi? Hada ou hadi hijrat al-tuyur. Ça, c'est l'immigration des oiseaux. C'est pas une hijra, ça. La hijra, elle se fait dans le pays d'Islam. Et quant à. Ça va venir, Inch'Allah, dans la parole de Shir, ce qui concerne les Sahaba. Donc on poursuit, je m'étais arrêté où? Tayyib. Wa hijratu li kamat ad-dinillahi al-haqq min hadi al-anbiya' alayhi salawatullahi wa salam. Hajara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min Makkah ila al-Madinah wa hajara sahabatu li Habashati al-hijrat al-ula wa al-hijrat al-thaniya. Hajara Ibrahim kama fi as-sahih bi zawjatihi wa maru wa dhalik al-jabbar. Donc il dit la hijra pour accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la guidée des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra de Mekka jusqu'à Medina. Et les sahaba aussi ont fait la hijra vers l'Habasha, l'Éthiopie, l'Abyssinie, qui est la première hijra. Et la deuxième vers Medina. Et Ibrahim également fait la hijra, comme cela est venu dans le hadith sahih, avec sa femme, tout en passant par ce grand tyran, le roi qui a voulu prendre sa femme. L'histoire, elle est connue. Et également, Hajra et donne l'autre également fait l'hijra, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amana lahu l'autre, wa qala inni muhajirun ila rabbi, innahu wal aziz al hakim. Donc l'autre l'a cru, c'est-à-dire avec Ibrahim, et il dit, je suis certes un muhajir vers mon Seigneur, il est le puissant et le sage. Donc là, par rapport à l'hijra de Habasha, Cheikh Yahya nous a parlé dans l'une de ses répliques à Ouel Djabiri. Quand il dit que certains ont dit que faire la hijra en pays de Kouf, quand un mal est moindre, il se base comme preuve de cette hijra des Sahaba. Et là, Cheikh a bien expliqué que les Sahaba ont été en Habasha, car à l'époque, ils n'avaient pas de terre d'islam. Donc ils n'avaient qu'un seul endroit, celui-ci qui était le meilleur pour eux. Un pays chrétien où leurs droits ont été respectés, où ils ont été protégés. Mais aujourd'hui, il y a plein de terres d'islam. Elles ne sont pas restreintes à 2, 3 ou 4. Il y en a plein. Donc celui qui dit je vais en pays de Kufr comme l'Angleterre ou je sais pas comme pays parce que là-bas je peux accomplir ma religion et je peux pas aller dans un pays d'islam, on dit ça c'est bah ça s'appelle pas une hijra. Ça s'appelle pas une hijra ça. Ça s'appelle mais c'est pas une hijra. Ou du moins une hijra shal'iyya. Donc la hijra des Sahaba en Habasha c'est pas un dalil. Et d'ailleurs si ces gens-là étaient vraiment sincères, eh ben en suivant les traces des Sahaba, dans quel pays ils iraient? Un pays chrétien. Quel est le pays le plus chrétien à notre époque, ou catholique? C'est le Vatican. Et bien on défie un musulman d'aller au Vatican aujourd'hui, de se faire protéger et d'accomplir sa religion entièrement. On le défie d'aller faire ça. Il n'y arrivera pas. Donc il faut être raisonnable et sincère envers soi-même. Et encore moins de jouer, d'appeler les gens déjà de la sorte, de s'en prendre à ceux qui conseillent. Ça, ce qui est pire encore. Non seulement ils font une infraction, mais sinon, en plus de ça, ils incitent les gens à accomplir comme eux, et en plus s'en prennent à ceux qui conseillent qui démontrent que la chose elle est fausse. Du mal. Donc ensuite il cite en disant Wa Hajara Moussa. Donc Moussa également a fait la hijra. كان في قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. Et lorsque Moussa se dirigea vers Médian, il dit, c'est peu que mon Seigneur me guide vers le droit chemin. فَالْحِجْرَةُ مَشْفُوعَةٌ بَلْوَاجِبَةٌ مِنْ بَلَدِ الْكُفَّارِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ إِلَى مَا هُوَ أَخَفْ ضَرَرًا مِنْ بَلَدِ الْبِدْعَةِ إِلَى بَلَدِ السُنَّةِ وَهَذَا فَضْلُهَا وَيَتَّسِعُ الْوَقْتُ لِذِكْرِ فَضْلِهَا وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي فَاطِمَةَ عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَإِنَّهَا لَا مِثْلَ لَهَا. Donc il dit que la hijra, elle est légiférée, même obligatoire depuis les pays de Kouf vers le pays d'Islam. Avec bien sûr comme condition de l'obligation de ne pas être en mesure d'appliquer sa religion. Sinon, sans quoi elle est préférable, mustahabba. Mais celui qui n'est pas en mesure d'accomplir sa religion, celui-là, elle est obligatoire. Ou il dit, ou également ce qui est de moindre mal, comme le fait de partir d'un pays de bid'ah vers un pays de sunnah. Et son mérite est énorme. Et nous n'avons pas le temps de citer tous les bienfaits qu'il y a autour de la hijra. Et un hadith qui était venu de Abi Fatima, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, accomplis la hijra car elle est sans égale. Accomplis la hijra car elle est sans égale. Mais elle est sans égale, c'est vrai, mais également elle est dure. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'in al-hijra shadida. Donc il ne faut pas non plus avoir la fougue et partir sur un coup de tête comme ça sans réaliser dans quoi on fait. Déjà, mettre une bonne niya. Connaître la hijra, qu'est-ce qu'elle est, quelles sont ses règles, pour ne pas un jour partir et après commencer à faire des contradictions à la religion et dire je ne savais pas. Non, il faut savoir. Al-ilm comme le kul wa l'amal, la science avant les actes et les paroles. Et ensuite, s'en remettre à l'Allah subhanahu wa ta'ala et partir en faisant des causes. Non. Ensuite, le shirk poursuit en disant plus loin, wal mar'atu lahan tuhajir walo bidun mahram bil ijma', que la femme peut partir faire la hijra même sans mahram. Et ça, il y a unanimité dessus. كما نقله ابن الملقين وغيره قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحوهن الله أعلم بإيمانهن. Ô vous les croyants, si vous viennent les croyantes en tant qu'émigrés, alors éprouvez-les, et Allah est plus connaisseur et plus savant de leur foi. وهذا مستثنى من حديث لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بذي أو إلا مع ذي محرم. Qui n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager si ce n'est avec un mahram. Donc ça, c'est la hijra tellement elle est considérable et immense qu'elle sort de ce hadith que la femme peut partir seule pour la hijra sans mahram. On parle de hijra, on ne parle pas de talabalim. La femme ne part pas sans talabalim toute seule. Mais elle rentre dans le hadith. Mais la hijra, c'est autre chose. Mais également, cher conseil pour les femmes qui partent seules faire la hijra, qu'elles s'assurent d'arriver en un lieu où elles seront accueillies. Elles ne sont pas des hommes. Ce n'est pas à part à l'aventure comme ça, sans savoir où est-ce qu'elles vont se rendre, qu'est-ce qui les attend là-bas. Elles vont en un lieu où elles seront accueillies et prises en charge. Donc ils conseillent les célibataires, femmes célibataires, de se marier avant de partir, si elles peuvent. Et si vraiment peuvent pas, et qu'elles n'arrivent plus à se contenir, à appliquer leur religion, et qu'elles ont le moyen de partir, cela leur est obligatoire de le faire, cependant elles le font bien en allant dans un lieu où elles seront accueillies et prises en charge. Et qu'elles s'efforcent de trouver un homme pieux pour se marier avec lui, là où elles iront. Non. ثم يقول والمهاجر لا يجوز له الرجوع الى بلده للبقاء فيه الى ثلاثة ايام لحديث العلاء بن حضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم بعض الصدر ثلاثا ولحديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن البائس سعد بن خوله يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه. Que le muhajir, il ne lui est pas permis de rentrer dans son pays si ce n'est pour rester 3 jours. Que 3 jours, il a droit à 3 jours. Comme le prouve le hadith de Al-A'la ibn Hadrami, muttafaqun alayhi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a autorisé, c'est-à-dire aux sahaba, après le sadr, c'est-à-dire après avoir égorgé pendant le hajj, de rester à Mecca 3 jours. Et également le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut navré de ce qui arriva à Sa'd ibn Khawla, du fait que il était à Mecca, il est revenu là-bas, il est tombé malade, il y est mort. Radiallahu anhu. Maqal al-Shurra, c'est-à-dire ceux qui expliquent les hadiths, ils disent أي أنه رجع إلى مكة بعد أن هاجر منها وكان يبكي عندما مرض بمكة خائفا أن يموت في مكان خرج منه. Donc il dit que, c'est-à-dire ceux qui expliquent les hadiths, ils disent que Sa'd ibn Khawla, qu'il retourne à Mecca après en avoir fait la hijra et qu'il s'est mis à pleurer lorsqu'il tomba malade à Mecca par peur d'y mourir, de mourir en un lieu duquel il était déjà parti. Vous voyez ? Et aujourd'hui, des gens vous disent non, tu peux retourner pour travailler. tu peux retourner faire ceci, cela. Non. Si ce n'est pas une daroura vitale, tu as droit à 3 jours. Pour faire ce qu'il y a à faire, 3 jours. Et pourquoi? Il y a une preuve, il y a un hadith. Ça, c'est complètement bâtil. Vous voyez? C'est par le bâtil. Que ceux qui autorisent de rentrer en pays de Kouf pour le muhajir, sous prétexte qu'il n'a plus d'argent pour travailler, faire du commerce, cela est complètement faux et contredit les preuves. Et cela est un grand danger pour celui qui prend cette fatwa et l'applique. Pourquoi? Cela implique que Allah, il ne donnera pas ton rizq. Alors qu'il l'a promis. Jidfil ard, mara aman kathiratan wasa'a. Allah l'a promis dans son livre. Donc comment tu me dis que tu es en pays d'islam, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien, je vais rentrer chez les koufars, chez les ennemis d'Allah, pour trouver mon rizq. Cela équivaut à quoi? À dire qu'Allah, en pays d'islam, il ne va pas te... Déjà, un, il ne va pas remplir sa promesse. Et de deux, tu seras plus à l'aise chez tes ennemis que chez tes frères. Cela est complètement absurde. Et ne tient pas debout. Et cela porte offense au wala ou au bara, au tawakkul. Et plein d'autres choses. Non. Donc attention, fatawa. Quand le alim fait le fatwa, on le dalil. Il ne faut pas voir s'il arrange. Ensuite, le chier reprend en disant وَلِهَذَا نَنْسَهُ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ يَأْتُونَ حِجْرَةً أَنْ يَأْتُوا بِنِيَّةِ طَلَبِ الْعِلْمِ لأنهم ربما يرجعون لبلدانهم أو تتغير الأحوال بعد الهجرة فيكون فعل ذلك مرتكبا كبيرا أو يحصل ما يضطرهم للخروج من ذلك البلد الذي هاجروا منه والقوانين الدولية ما تعرف معنى المهاجر أو يعزم أنه على أن لا يعود وجد له خير. Donc il dit quoi? Que de là nous conseillons ceux qui partent pour Hijra en premier qu'ils mettent une niya de talab al-ilm. Qu'ils ne mettent pas une niya en premier de Hijra, mais qu'ils mettent une niya de talab al-ilm. Pourquoi? Car il se peut qu'il arrive dans un lieu où les choses changent et qu'il se voit contraint de rentrer dans son pays. Donc celui qui a mis une niya de hijra, si jamais il rentre, il aura commis un grand péché, comme il l'a dit. Un grand péché. Celui qui rentre sans raison, voilà, est-ce que vous légiférez, aura commis un grand péché. Et donc le shir conseille de quoi? De faire partie avec une niya de talab al-ilm. Cependant, quand il dit ça, le shir, il faut bien comprendre, nous on le connaît. Il dit ça pourquoi? Car il en a vu plein venir à Demedj proclamer la hijra et rentrer pour des choses qui ne sont pas valables. Donc lui, par peur de cela, pour t'éviter que tu rentres et que tu sois un péché, alors quitte, vraiment tu vas rentrer, tu vas rentrer, il ne peut rien faire pour toi. Il ne va peut-être pas rentrer, mais si tu rentres vraiment, alors ne sois pas muhajir si tu rentres. Pars avec une niyat talab al-ilm. Et son but en cela, c'est quoi? T'inciter à partir. Car si tu pars avec une niyat talab al-ilm et que tu es sincère, que tu veux vraiment le khayr, en arrivant à l'islam et en apprenant ta religion, tu vas voir le bien et tu vas te rendre compte de là où tu étais et tu ne pourras plus retourner. Tu vas dire, mais je suis fou de retourner là-bas. Tu vas avoir le khayr de vivre chez les musulmans, dans les ramadan, dans les ibadah, dans le voisinage, dans plein de choses. Tu vas le ressentir vraiment et tu vas te dire, comment après que j'ai vu ça, je retourne là-bas? Je ne peux pas retourner là-bas. C'est ça le but de shir. Que, en fait, vois, comprends et applique. Mais la hijra est obligatoire pour lui. Par contre, il y a une chose qu'ils disent dans le livre, je ne sais pas si c'est une erreur d'édition ou il a vraiment dit ça, mais à laquelle je ne suis pas. Une chose qu'on peut, sur laquelle on peut le reprendre, quand il dit quoi? Qu'aujourd'hui, il peut t'arriver une chose en pays d'islam qui te contraigne à repartir. Si jamais cela t'arrive, alors tu n'as pas commis de péché. Par exemple, tu es rentré dans un pays d'islam et quand tu es dans la machafarel, tu as été attrapé, on t'a mis en prison. Pour quelconque raison. Et après, on te renvoie de ton pays. Celui qui est comme ça, il n'a pas commis de péché. Lui, il n'a pas commis de péché. Donc lui, cela, cette chose-là ne l'empêche pas de mettre une niya de hijra s'il veut la faire. Lui, si jamais il s'est attrapé ou refoulé à l'aéroport et qu'il est renvoyé dans son pays, cela est malgré lui. Ce n'est pas de sa faute. Comme on a dit, innamal amal bin niya. Vous voyez? Et en effet, comme dit le shir, aujourd'hui, quand on t'attrape, les pays, les gouvernements ne connaissent pas muhajir. Par exemple, demain, tu as un problème, tu viens dans un lieu pour avoir des papiers ou je ne sais quoi, tu dis je suis muhajir. Maintenant, l'employé va te regarder et va dire, et alors, tu es muhajir, donne-moi ton ikama, donne-moi ta carte de résidence, t'en as pas, retourne chez toi. Il ne connaît pas muhajir. Ça n'existe pas chez eux. Donc bien faire attention à ça, que si jamais tu arrives une chose malgré toi, que tu ne l'as pas fait volontairement, alors Inch'Allah, tu n'as pas commis de péché. Vous l'avez bien entendu dans les questions posées à Cheikh Abou Ram, quand il dit qu'un homme avait fait la hijra, je ne sais pas combien de fois, 16 fois, je crois, ou 13 fois, qu'à chaque fois il s'est fait refouler ou qu'il est rentré malgré lui, il dit ta hijra, inshallah, elle est considérée valable. Mais seulement dès que tu peux repartir, tu repars directement. Tu ne restes pas. Inshallah, t'es excusé. Mais celui qui rentre, sa raison valable, celui-là aura commis un grand péché. Et Shir, on l'a déjà entendu dire dans un def, celui qui rentre de la hijra après l'avoir fait, l'avoir proclamé, c'est une trahison envers Allah et ce messager qu'il a fait. et que lui, il est pire que celui qui n'est jamais parti. Donc là, on incite bien les frères à bien réaliser ce qu'ils vont faire quand ils font la hijra. Faites-la, mais faites-la bien. Avec science, avec ikhlas, voyez, et clairvoyance. Non. Là, pour finir, j'aimerais évoquer un sujet que Cheikh Fawzen a parlé en ce qui concerne la niya dans les actes d'adoration. Il dit, un sujet qui est de quoi ? Ceux qui prononcent la niya avant de faire une adoration. Vous voyez, le fait de prononcer cette niya. Quel est le jugement de prononcer la niya ? Il dit, « Wa niyatu mahalluha al-qalbu, la yalamuha illallah. » Donc la niya, son emplacement est où ? Dans le cœur. Seul Allah la connaît. « Wa al-tadafuzu biya bid'a. » Et le fait de la prononcer, c'est une bid'a. « Fala yakulu al-muslim, nawaitu an-usalliya, ou nawaitu an-ahujja, ou nawaitu an-atasaddaqa. » لأن هذا بدعة لأن النية محلها القلب وهي عمل قلبي وليس عمل لساني. Donc il dit quoi, le fait de dire par exemple je vais faire salat, le prononcer, ou comme certains le font, on l'a déjà vu, c'est salat al-dhor, il vient, il fait la niya salat al-dhor, sur le salat al-dhor, wa kaza wa kaza wa kaza, ça tout ça c'est pas un islam, c'est une bid'a, comme il dit Cheikh. Si le muhajara biha ri'aou, et le fait de le prononcer, cela contient de quoi? De l'ostentation, du ri'a. ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية عندما يريد الصلاة أو يريد أي عمل من الأعمال. Il n'y a rien qui affirme que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم l'ait fait. Il prononce sa niya avant d'accomplir un acte. نعم جاء عنه أنه في حجة الوداع أحرم بقوله لبيك عمرة وحجا. Et c'est vrai qu'il était dit de lui lorsqu'il a fait le hajj d'adieu qu'il a dit je réponds à toi au Seigneur par une umra ou un hajj. هذا ليس تلفظا بالنية. Cela n'est pas le fait de prononcer niya. Ça n'entre pas là-dedans. وإنما هو التلفظ بالمنوي. C'est juste que tu annonces ce que tu vas faire par rapport à Allah. Justement, pourquoi différencier ce que tu fais, un hajj ou un umra, ou les deux ensemble. Vous voyez, parce que ça, c'est venu, il y a une preuve. Juste pour le hajj que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم l'a prononcé. C'est tout. Il n'y a que là qu'il a fait. Seulement pour la salat, le siyam ou autre, le qiyam, tout ça. Ou le dua, il y a pas de, cela n'existe pas le fait de prononcer la niya. Donc il dit, la yajuzu, wa in kana ba'd al-fuqaha yaqulu biha, walakin hadha gharat. Wa innama alladhi warada 'an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam at-talaffuz fi al-nusuk min bab al-ta'yid lil-nusuk alladhi yuriduhu wa la min bab al-nutq bin-niyya. Donc cela n'est pas permis. Même si certains fuqaha, certains gens du fiqh l'ont dit, cependant cela est une erreur de leur part. La seule chose qui est venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a prononcé le rite qu'il va accomplir par rapport au Hajj et à la Umra, pour désigner ce qu'il va accomplir. Wa kanu yunsibuna ila al-imam al-Shafi'i rahimahullah anhu qala bil talaffuz bil niyya fa hadha mardudun min wajhayn. Et même si certains apparentent cela à l'imam al-Shafi'i qui a dit ça, qu'on prononce la niyya, cela est rejeté par deux points. Awalan hadha lam yasah an al-imam al-Shafi'i, que premièrement cela n'a pas été authentifié de lui. Vous voyez, cela n'a pas été authentifié de lui. Thaniyan, deuxièmement, walaw saha an l'imam al-Shafi'i falaysa hujjatan. L'an l'imam al-Shafi'i mujtahidun yughti wa yusib wal hujja fi al-kalam aw wal hujjatu fi al-kalam al-rasul wala fi kalam al-Shafi'i wala Ahmad wala li Abi Hanifa wala Malik wala yakunu qawlu al-alim hujjatan illa idha wafaqa ad-dalil. Donc il dit quoi? Deuxièmement, que même cela avait été authentifié de lui, cela n'est pas un argument ni une preuve. Car l'imam Shafi'i, c'est un mujtahid. Il peut se tromper et pas avoir raison. Et l'argument n'est que dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, dans la parole de Shafi'i, ni celle de Ahmed, ni celle de Abu Hanifa, ni celle de Malik, le savant n'est pas un argument, sauf si il correspond avec la preuve. Regardez cette parole, comment elle est magnifique par rapport à ce qui se passe actuellement, de Cheikh Fawzen, que le savant n'est pas une preuve en lui-même. Le savant est une, donne une preuve dans sa parole. Mais lui n'est pas une preuve en lui-même. Il peut se tromper. Avoir raison peut se tromper. Dire Cheikh Fawzen a dit, c'est pas une preuve en islam. Ça n'existe pas, ça. Sauf si le Cheikh apporte une preuve de sa parole. Non. Donc de là, Inch'Allah s'achève le ders. Désolé, on a été un peu long. Cependant, donc là, que par rapport à la niya, celle-ci est sur deux choses. En khulasa du ders, celle-ci est basée sur deux points. Différencier les actes d'adoration, les actes quotidiens, et pouvoir distinguer le but visé, est-ce que c'est Allah ou c'est autre que lui. Et il a été dit, selon Sofiane al-Thawri, ma alash touché an ashadu alayya min niyati liyanna tatakallaba alayya. Que Sofiane al-Thawri, il a dit quoi? Que je n'ai pas eu à corriger une chose plus dure pour moi, ce n'est mon intention, car celle-ci ne cesse de changer. Ta niya, sans que tu te rendes compte, elle change. Fais très attention à la niya, qu'elle soit constante. Toujours se remettre en compte et faire un jihad nef sur soi-même. Il dit la yaslur al-amel il est bisalaf. Al-taqwa lillah, wal-niya, al-hasana, wal-isaba. Que trois choses ne conviennent à l'œuvre. Si ce n'est la taqwa, craindre Allah, une bonne intention et également une œuvre légiférée. Qui correspond à la sunna comme cela vient dans le hadith de Aïcha. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.